n'est plus pareil. Il fait si chaud qu'on ne voit plus vraiment bien le ciel. De toute façon, j'ai pas un sommeil. Mais qu'est-ce qui t'a pris comme ça tout d'un coup de vouloir autre chose que nous? Et qu'est-ce qui t'a pris de vouloir t'en aller? Je ne vais quand même pas me mettre à pleurer. Excusez, j'ai tant de choses à me faire part.